jaki przestój. Calamar viendra nous chercher, hey. On n'aura pas tout géré, hey. Cherche la pièce dans la ville, l'OPJ j'ai la pinée. J'ai rien vu comme Daredevil, ça pose dur comme à l'usine. Le réseau et le terrain sont minés, compte sur nous pour les piner. Quand la mort viendra nous chercher, on n'aura pas tout géré. Cherche la pièce dans la ville, l'OPJ j'ai la pinée. J'ai rien vu comme Daredevil, ça pose dur comme à l'usine. Le réseau et le terrain sont minés, compte sur nous pour les piner. Je sais qu'elle veut monter dans l'Aventador, se faire ken sur le tableau de bord. Une paire d'Air Max, tiens 2 heures en promenade. Une chouchouka, t'es dans la marmelade. Je dors tard, je me lève tôt pour viscère le premier. Je suis le verre qui contamine tout le pommier. On devient fou comme si on revenait du front. Malgré tout, garde la marque sur le front. Ma vision, ma vision, ma vision, ma vision. Toujours clair pour monter en mission. On est les meilleurs, on a la meilleure frappe. Même ton gros boule ne fera pas changer de cap. Elle kiffe les mauvais, elle aime la racaille. Tant qu'elle me demande pas d'où vient la maille. J'arriverai avant tout, c'est Hatay. Le torse couvert de médailles. Ma cicatrice en dit long. Pas besoin de fouiller le coffre, ça sent le pilon. On est sans cœur, que des enfoirés. Je viens pour relever le compteur. On est sans peur, toujours enfouraillé. Protège le cul de ta sœur. C'est parce que je suis connu qu'elle me dit qu'elle m'aime. Confiance en personne, même pas en moi-même. Quand la mort viendra nous chercher, on n'aura pas tout géré. Cherche la pièce dans la ville, l'OPJ j'ai la pinée. J'ai rien vu comme Daredevil, ça pose dur comme à l'usine. Le réseau et le terrain sont minés, compte sur nous pour les piner. Quand la mort viendra nous chercher, on n'aura pas tout géré. Cherche la pièce dans la ville, l'OPJ j'ai la pinée. J'ai rien vu comme Daredevil, ça pose dur comme à l'usine. Le réseau et le terrain sont minés, compte sur nous pour les piner. Ça trafique par ici, ça trafique dans le bat. Si c'est du tout cuit, on fait moite moite. Toujours en bénéf, jamais en perte. La poudre est blanche comme leur perte. Ça débite, y'a que les vrais qui méritent. Ceux qui vont le faire, ceux qui vont se taire. Tout le monde parle en kilogrammes, mais beaucoup de salopes comme sur Instagram. Le moteur est puissant, allemand, italien. À part le tout puissant, on respecte plus rien. On a fait le boulot et ça c'est pas rien. Des armes sous l'oreiller comme des acariens. Tu peux voir grosse fumée de bédave. Tu m'entendras jamais au pénave. La juge m'a pas cru à la barre. Je lui baisse sa grand-mère à la base. Plus temps de traîner à la gare. Je bois du Dom Pérignon à Asgard. Le château est noir comme ma placard. Pas besoin d'arbitre pour la bagarre. Réduction du canon avec une scie pour t'allumer chaleureusement. On refait pas le monde avec des scies, mais avec des fusils, malheureusement. Quand la mort viendra nous chercher, on n'aura pas tout géré. Cherche la pièce dans la ville, l'OPJ j'ai la pinée. J'ai rien vu comme Daredevil, ça pose dur comme à l'usine. Le réseau et le terrain sont minés, compte sur nous pour les piner. Quand la mort viendra nous chercher, on n'aura pas tout géré. Cherche la pièce dans la ville, l'OPJ j'ai la pinée. J'ai rien vu comme Daredevil, ça pose dur comme à l'usine. Le réseau et le terrain sont minés, compte sur nous pour les piner. Bang, bang, bang, bang.